Quelles seront les prochaines fonctions de cette chevalerie? Pour la chevalerie planétaire. Bon. Faire rire les sceptiques. Il y en a-t-il une autre? Pour ceux qui sont pas sceptiques. Les aseptiques? Les faux sceptiques ou les fausses sceptiques? C'est ça, les aseptiques. Donc, les aseptiques, ceux qui sont pas sceptiques? C'est ça. Préserver la conscience intégrale de l'humain, préparer les humains à être transportés si cela serait nécessaire, préparer les cadres sociaux pour permettre un meilleur croisement au niveau génétique entre différents humains, permettre l'élaboration d'une structure sociale pédagogique. Quand je parle social, ça couvre le système planétaire, mais ça commence toujours par un système local, de façon à développer l'intelligence à travers l'expression sociale de l'humain. Permettre aussi la défense de la condition humaine à travers les temps qui viennent contre ce qui, du passé, peut vouloir récupérer l'avenir. Permettre aussi une défense du contexte humain en rapport avec une certaine force extraterrestre. Autrement dit, contre. Quel genre d'humain en fait partie? Ou en fera partie? Dans le début, uniquement les aristocrates. Par la suite, ce sera... De toute façon, c'est uniquement réservé à des humains qui ont la capacité de comprendre l'intelligence, d'être capable de comprendre l'intelligence, d'être son seul maître. C'est réservé à ceux qui, de prime abord, sont capables d'apprendre comment apprendre. Ceux qui, par la suite, apprennent des choses. Lentement, ce sont les humains qui vont être capables de transmuer l'idée qu'ils ont du pouvoir en puissance. Des humains qui vont devenir écologiques. Des humains qui vont avoir une envergure mentale suffisamment grandiose pour englober un système d'évolution qui ne se termine pas après 60 ans de vie. Et dans la finalité de l'orchestration d'une chevalerie planétaire, la majorité des humains qui, à un moment donné, seront plus attirés par l'intelligence que par le passé, seront affiliés. Comment recrute-t-elle ses membres? Comment la chevalerie planétaire recrute ses membres? Dans le temps, il y a différents phénomènes, différentes façons. Je me véhicule à travers certaines époques et c'est très intéressant. Si tu savais tout ce que j'ai vu. Comment le... Tu peux pas nous le dire, comment il recrutait avant? Oui, c'est des questions temporelles. Comment il recrutait avant? C'est un peu comme aujourd'hui. Tout à l'heure, il y en a qui m'ont posé la question. Si tu rentres pas dans la chevalerie, est-ce que c'est elle qui te rentre dedans? D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, non. Recruter les membres, c'est présentement, c'est un feu bouillant, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui vont être terrestrifiés, des humains qui vont descendre, enfin des personnages qui, de plus en plus, vont semer des prémices de ce que pourrait être l'association des humains dans un contexte d'intelligence avec un objectif social, ce qui n'existe pas présentement sur la planète. Et bien, il en existe, oui, ça peut être se libérer du joug de l'ennemi, comme les Polonais, comme d'autres. Ils ont un objectif social. À l'instant où ils ont atteint la paix, les objectifs sociaux disparaissent. Nos sociétés, quel est le but social de la société canadienne? Il n'y en a pas. De la société américaine, ne pas mourir sur le feu des Russes. Mais c'est comme but social, c'est pas génial. Or, nécessairement, les individus qui, à un moment donné, seront capables d'être vibrants à un but social qui ne sera pas nécessairement totalement exprimé dans leur conscience, mais qui auront, ils auront, ces individus, compris l'intelligence de se réunir. Même si on conserve une conscience individuelle, ces individus seront recrutés. Ces individus vont en faire partie. ces individus vont eux-mêmes la rejoindre. Est-ce que c'est ça, ce sera de l'auto-recrutement? Oui. Comme bien des choses qui devront se faire dans l'avenir, ça va germer seul. Il n'y aura pas de campagne de sensibilisation pour recruter des gens. Et c'est ce qui va faire aussi en sorte que ça prend toujours plus de temps à apparaître. Et c'est aussi ce qui va filtrer. Un individu y croit, mais après 2 ans, ça n'est toujours pas arrivé. Fait qu'il finit par... Non. Comme bien des choses. Une société intelligente, est-ce que ça se conçoit? Et puis quand c'est conçu, eh bien, on déménage dedans. Vieille technique de marin pour qu'un fil ne te nuise plus. Un nœud de cabestan. Bon. Non, une société intelligente, c'est pas quand c'est là qu'on décide, ah ben tiens, je rentre dedans. Je vais en faire partie. Si vous n'étiez pas là pour la créer, vous n'êtes sans doute pas assez intelligent pour en faire partie. La chevalerie, c'est un peu la même chose. Elle doit naître ou elle ne naîtra pas. Mais il n'y a pas d'individus qui vont se promener un peu partout, qui vont vendre des cartes de membres, qui vont dire, ben là, il faudrait qu'on se réunisse pour en faire une. Non. Quand 2000 personnes se réunissent et disent, on doit faire quelque chose, il y a quelque chose qui est faisable. Mais quand c'est un individu qui a une idée, qui doit motiver, surmotiver, ça prend trop d'énergie. Oh, il y en a quelques-uns qui vont s'essayer, mais c'est pas... Est-ce que la chevalerie planétaire a une correspondance extraterrestre? Correspondance avec l'avenir. Pas une correspondance extraterrestre dans le sens extraterrestriel, c'est-à-dire provenant de d'autres contextes planétaires d'origine. C'est-à-dire que dans l'avenir de la planète Terre, il y a évidemment plusieurs surveilleurs, des mécaniques qui se réincarnent présentement à l'intérieur de certains humains. On réincarne l'avenir comme le passé, le temps existant dans l'instantané. Il y aura des interventions extraterrestres provenant de l'avenir. Quand on parle d'extraterrestres de deux origines, toute l'origine est terrestre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui viennent de l'avenir. Il y a des contextes humains dont leur origine est planétaire terrestre qui proviennent aussi d'un phénomène de d'autres planètes, mais dont leur origine native est la Terre. Il n'y aura pas d'intervention extraterrestre qui ne sont pas natifs de la Terre dans l'ordre de la chevalerie. Il y aura intervention, il y aura même conflit entre un paquet de mécaniques extraterrestres qui ont comme fonction, comme l'ordre éloïmique, de conserver des mécaniques génétiques pour pouvoir transplanter cette mécanique dans d'autres contextes volitifs. Mais ce n'est pas extraterrestre comme beaucoup de... Ils parlent mal, bon, disons, d'ovniologues. Ils disent ufologues, d'ovniologues, attendre. Quelles sont les possibilités de la chevalerie? Premièrement, préserver la jeunesse. Être capable de donner une vibration de faire jouer une corde de l'harpe que la majorité des jeunes ont, de façon à ce que cette corde vibre sous une tonalité particulière qui va faire en sorte que les jeunes vont cesser de s'entretuer, de détruire et de se suicider. Possibilité de démolir les frontières, on a parlé un peu, c'était pas ici, remarque. Je peux donc répéter. Un peu au niveau du monarque, c'est-à-dire que la chevalerie va avoir comme fonction de dissoudre les frontières, de faire en sorte que les prochains dirigeants et gouvernants de plusieurs nations soient ésotériquement amis, donc traîtres face à leur nation, faisant partie de la même chevalerie, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les frontières vont tomber, unifiant les territoires et dissolvant graduellement la problématique des nations sur la planète, ce qui va engendrer un stress terrible dans les égrégores nationaux du monde de la mort, Cette chevalerie va aussi dissoudre lentement les frontières entre les différentes religions, ce qui va aussi engendrer un stress massif au niveau des égrégores, d'où la probabilité d'une agression contre le règne humain de cette mécanique, ou encore l'idée d'un ordre de chevalerie qui va travailler dans le culte comme dans la matière. Et finalement, l'instauration d'une consistance homogène d'objectifs planétaires que l'ésotérisme ancien appelle avènement d'un grand monarque, que l'ésotérisme catholique appelle avènement d'un millénium. On parle aussi d'un grand monarque, le retour du Christ qui vient diriger, c'est l'intelligence, c'est de l'énergie christique. Et dans cette conférence qui était réservée aux séminaristes, on a expliqué convenablement que le grand monarque était de l'intelligence qui anime différents êtres humains. Ce n'est pas un personnage qui donne des ordres. C'est une évidence que plusieurs humains pourront supporter qui va faire en sorte que quand il y a le feu, on l'éteint. On n'a pas besoin d'avoir un gars qui nous dit « il y a le feu, éteignez-le ». Est-ce que ça peut être l'équivalent de ce qu'on voit dans les films de science-fiction qu'on appelle la force ou des phénomènes semblables? Dans la guerre des étoiles, non. La force, c'est uniquement de l'énergie vitale, c'est de l'énergie belzébutienne qui permet la télékinésie, qui permet à un être humain de solidifier sa structure corporelle. C'est un terme, la force, dans cette trilogie, qui provient de livres ésotériques, surtout provenant de la Bhagavad Gita. Les Jedi, c'est un parallélisme avec les GI américains, forme publicitaire d'inciter la jeunesse à faire partie des forces armées, la force. Quelle est la puissance de la chevalerie? Présentement, nulle. Dans quelques temps, ça sera l'instaurateur d'une religion mentale. On en a déjà parlé. Et sa puissance ne sera pas illimitée, mais sera intéressante. En ce sens que la majorité de la science actuelle sur le plan planétaire ne peut pas rivaliser avec une union planétaire des scientifiques. Donc, la puissance de la chevalerie du point de vue occulte, comme du point de vue humain, comme du point de vue scientifique, sera totalement au-delà de ce que la science peut escompter. Ce n'est pas une prophétie, c'est un phénomène qui est simplement mathématiquement extrapolisable. Et dans le culte, ça ne vaut pas la peine d'en parler parce que l'humain n'a même pas encore suffisamment d'idées de ce que peut être le culte. Il pense que le fantôme, le petite force, comme si par là, de temps en temps, faire bouger des lustres, faire plier des cuillères, c'est de l'occulte. C'est de l'occulte. Ouais. Par qui est-elle dirigée? Tu l'as mentionné tantôt. Tant mieux. Tu peux le répéter. Au cas que tu n'aies pas compris. Mais la chevalerie elle-même ne sera pas dirigée par une entité réelle. Tout à l'heure, on a parlé des mécanismes lazariens. La chevalerie planétaire elle-même sera dirigée par de l'intelligence. On parle encore du grand monarque. Elle sera surtout assujettie à de l'évidence. Elle sera donc dirigée par les chevaliers qui en feront partie, donc par l'humain lui-même. Ce sont des questions dangereuses. Par qui elle sera dirigée? Évidemment, on cherche une entité humaine qui va donner des ordres. On revient encore avec l'idée de l'intelligence. Quand l'humain est intelligent, je ne parle pas d'intellect humain, c'est-à-dire que lorsque son mental est capable de légiférer à partir de la même source d'information, l'énergie supramentale, et non pas reliée et restreinte, à légiférer à partir d'une source d'information qu'on appelle la mémoire, donc l'astral, qui est totalement différente pour chaque individu, lorsque l'humain est donc restreint à légiférer, mentalisé à partir de l'intelligence supramentale, ils en arrivent tous à la même conclusion. De ce fait, ils sont tous coordonnés. Et c'est des chevaliers, c'est l'instauration du grand monarque, du retour de l'intelligence christique. Il n'y a pas besoin de coordonnateur réel parce que les humains savent ce qu'ils ont à faire. Et ils le savent dans leur conscience. Ils sont totalement individuels dans leur conscience. Ils ne sont pas paramétrés. Ils ne sont pas chapeautés. Jusqu'à temps que cet état arrive, il y aura des chapeautements, il y aura des écoles de formation, il y aura différentes choses. Mais quand on parle de l'avènement de l'intelligence d'un grand monarque, on ne parle pas, enfin, les humains comprennent la descente d'un vaisseau spatial qui va venir tout diriger. Pour servir à quoi? Vous allez dire à ceux qui se battent là-bas, cessez de vous battre. Ils vont tirer les obus. Vous allez dire à ceux là-bas, aimez-vous les uns les autres. Ils vont s'aimer les uns dans les autres. Vous allez rencontrer, ou en quoi? Ça va servir à quoi? Comment diriger une planète d'animaux? Demander au lion de cesser de se nourrir de l'agneau et de crever de faim. Il en faudra muter le lion. Pour qu'il n'ait plus besoin de se nourrir des animaux, des herbivores. Alors que lorsque l'humain a l'idée d'un grand monarque, c'est tellement à côté de la traque, le grand monarque, c'est vous. Si vous n'y croyez pas, d'autres devront y croire. Pour la simple raison que si l'humain ne se prend pas en main, il n'y a personne qui va le prendre en main. Les extraterrestres, ce sont des personnages qui attendent la solution. Vous savez que sur beaucoup de planètes, très évoluées scientifiquement, parce que pas suffisamment évoluées matériellement, ceux qui ne sont pas rendus au point d'évolution évolutive que nous connaissons, ils nous espionnent, ils cherchent la solution. L'une des solutions vaut corps physique, faute génétique. L'autre solution, de quelle façon nous en sortons? Ils cherchent la solution, ce sont des espions, tout le monde le dit, ils espionnent l'humain. Pour un jour aider l'humain, si l'humain... Ben voyons donc. Si je suis un extraterrestre et que je me dis je vais intervenir si quelqu'un fait une guerre nucléaire, ben je vais aussi me dire je vais intervenir s'ils se servent des armes conventionnelles. Guerre pour guerre, la guerre est stupide. Je vais leur donner des écoles de souffrance. S'ils ont besoin d'apprendre par la souffrance. Mais je vais m'arranger quand même pour filtrer. Et ceux qui n'ont pas besoin d'apprendre par la souffrance, on va les mettre dans d'autres écoles. Tandis que présentement, vous naissez où vous naissez. Après ça, que vous soyez dedans ou pas, que vous ayez à être dedans ou non, si vous y êtes, vous y êtes. C'est comme les dieux. Les dieux vont nous sauver. Ça vaut pas même la peine. On te force à sauter en bas, puis quand tu te jettes en bas au travail, tu te remets en haut, puis on dit, voilà, recommence. L'humain qui ne se prend pas en main est un humain perdu. Une chance. La structure évolutive planétaire, ce qui nuit le plus à l'humain, est le grand salut de ceux qui se suicident. Il y en a qui se suicident à 55 ans, ça veut dire qu'ils se laissent mourir. Ils vont dans le monde de la mort. Leur expérience n'est pas perdue. Ils se réincarneront fusionnellement ou pluralitairement. Et ils recommenceront à essayer de comprendre. Parce qu'ils comprendront, ils ne recommenceront plus. Mais c'est l'humain qui se prendra en main. La chevalerie, c'est la même chose. Elle est constituée d'humains. Est-ce qu'il va y avoir des déguisés extraterrestres à l'intérieur de ça? Peut-être. Humanisons-les ou rejetons-les. Qui peut comprendre mieux que l'homme le problème de l'homme? C'est facile de regarder une société et de dire, gars, ils sont totalement débiles. Ouais. Descendez dans la peau des Syriens et vous allez aussi tirer des coups de canon. Si vous êtes vous et que vous allez en Syrie, peut-être que vous n'allez pas accréditer ce qu'ils font. Et vous allez intervenir. Comme l'ONU a essayé longtemps d'intervenir, ça ne fonctionne jamais. C'est l'homme qui doit s'en sortir. Le grand monarque, c'est l'intelligence. Quand l'humain sera suffisamment intelligent et non plus uniquement intellectuel et émotivement assujetti à ses décisions, quand l'humain ne fonctionnera plus uniquement par haine ou par tradition, nécessairement à l'Irlande du Nord, les problèmes sont réglés s'ils oublient leur tradition puis leur haine. Si on oublie totalement notre vision émotive et intuitive de l'univers, que tes religions tombent à terre. Toutes les guerres religieuses descendent. Troisième guerre mondiale totalement impossible. Regardez tous les conflits sur la planète. Si l'humain serait intelligent, pas intellectuel, pas si l'humain aimerait, il aime l'humain. Il aime assez ce qu'il aime, qu'il détruit tout ce qu'il n'aime pas. Juste trop d'amour humain sur la planète, mais l'humain n'a expérimenté que cet amour depuis qu'il est ici. Alors il s'allume bave par les oreilles. Il y en a en masse, ça le tue, ça le rend malade. Il a peur de la mort, il aime la vie, il aime sa femme, il aime son mari, il est jaloux. Il aime le luxe, il nécessairement il souffre, il a peur régulièrement de perdre ce luxe. C'est de l'intelligence. Et si possible de l'intelligence capable d'attendre. C'est ce que j'appelle de l'amour intelligent. De laisser le temps à ceux qui ne sont pas capables de se réveiller, de se réveiller. De laisser aux animaux humains la possibilité d'achever ce qu'ils croient, de ce qu'ils ont commencé. Tout. Mais c'est l'homme, la femme et l'enfant qui doit prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'un chevalier, qu'est-ce qu'une chevalière? Rien d'autre qu'un humain qui se tient debout. Se tenir debout veut dire se respecter. Cesser de se cacher. Et cesser chaque fois que vous sortez à l'extérieur d'être immédiatement récupéré par l'extérieur, réomnibulé par l'extérieur. De temps en temps, on pense à des choses, on pense à évoluer, on pense à s'améliorer, on pense à faire ceci, à faire cela, puis le moment vraiment qu'on sort, c'est fini. Un chevalier n'est pas celui qui met une armure pour une réunion et qui ôte l'armure en sortant puis qui redevient une tapette d'or. C'est un individu qui sera capable de se tenir debout même contre l'humanité. Hey, le cave, t'es le seul qui dit ça, ça attend que tu te réveilles. C'est un argument, mais c'est pas une raison valable. C'est pas un fait. Le chevalier, celui qui se tient debout. À un moment donné, il y aura suffisamment d'individus qui vont être les seuls à dire ceci, qu'ils découvriront qu'ils sont des milliards à le dire. Ça va paraître. L'humain attend. N'attendez pas trop longtemps, parce qu'un jour, vous allez devoir attendre encore plus longtemps. Au sujet du volume, le syndrome de l'enfant Teflon, vous dites que les connexions neurologiques sont différentes chez l'enfant nouveau, ce qui fait que l'information circule beaucoup plus rapidement. J'aimerais savoir quelles sont les références scientifiques sur lesquelles vous appuyez pour affirmer ces choses. Ce sont des choses que je n'aurais jamais dû écrire à un moment donné. C'est que je me suis dit, je vais donner des voix à certains chercheurs. Et par la suite, j'ai constaté que les chercheurs ne cherchent pas. Les chercheurs, avant de chercher, ils commencent par vouloir savoir où on a cherché. Des personnes qui me disaient dernièrement, dans vos livres, il n'y a pas de biographie. On ne sait pas où vous avez puisé tout ça. Je ne suis pas pour mettre intelligence supramentale. Quand vous mouillez du tissu, il est mouillé. Quand vous le touchez, c'est pas la même texture, c'est pas la même friction, c'est pas le même plaisir, il n'y a pas la même élongation. J'ai aucune preuve scientifique, ni atomique, ni physique, ni chimique, de ce que je viens de vous dire. C'est évident. La moitié de la science prétend, a prétendu longtemps du moins, que le corps physique était déterminant dans l'intelligence, dans l'intellectuance, ainsi que dans l'expression psychologique. Que tous les humains ne naissaient pas égaux, et que le facteur génétique était primordial. L'autre partie de la science, ainsi que la majorité des humains, surtout les faibles, Au nom de la justice divine qui doit exister sur la planète, nous devons rejeter cette affirmation et on a fini par décider que uniquement le milieu d'éducation était déterminant. Ce qui fait que la majorité des chercheurs considèrent que tous les enfants dans une école ont les mêmes chances. Étant donné que tous les enfants dans les écoles n'ont absolument pas les mêmes résultats, c'est évident, ils n'ont pas les mêmes parents, le milieu. Je connais énormément d'enfants super géniaux qui proviennent de parents super stupides. Alors, le milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme. Ouais. Comme un logiciel qu'on met dans un lecteur de disquette, transforme l'ordinateur. Mais si l'ordinateur n'est pas capable de se servir au maximum du logiciel, quel que sera le milieu, vous n'aurez pas le même résultat. Qu'est-ce qui scientifiquement me fait dire cela? C'est une évidence. Et j'ai décidé, lorsque j'ai commencé à parler et à écrire, que je ne perdrai jamais mon temps à prouver ce que je dis ou ce que j'écris. Il y a des individus qui, eux, perdront leur vie à croire dans ce que j'ai dit et à prouver ce que j'ai dit. Alors que d'autres humains vont simplement se servir de ce que je dis pour voir si ça s'applique. Si ça s'applique, on va essayer de savoir si c'est prouvable ou pas. On va appliquer. Je peux m'amuser énormément à expliquer et à prouver. Même mathématiquement. Chaque fois que je commence à expliquer quelque chose de scientifique, et que ce soit devant des universitaires, des professeurs ou des diplômés, je commence à expliquer certaines choses et je me rends compte qu'il leur manque déjà des bases. Alors j'explique les bases et là je frustre ceux qui les ont déjà. Tout ce qu'on veut normalement, c'est faire en sorte que je doive perdre 10, 15, 20 ou 50 ans de ma vie pour pouvoir venir dire ce que je dis présentement. J'ai déjà expliqué aussi que lorsqu'un humain comprenait quelque chose, il n'avait pas besoin de citer sa source. Mais la majorité des personnes aujourd'hui qui écrivent énormément ont la moitié de leurs livres en biographie. Alors moi, quand je lis leurs livres, je me dis... Ce sont des imbéciles. Ils ne font que prendre des... Ils ont souligné un paquet de lignes dans un paquet de livres, puis ils ont mis ça dans un livre. Et ils ne font que résumer la pensée et les recherches d'autrui. Et ils rajoutent un peu leur bebelle, s'excusant plus ou moins de le faire. Non. Les cerveaux ne sont pas tous pareils. Les corps physiques ne sont pas tous pareils. Certains prennent de la boisson et ils disent « je la porte mieux qu'un autre ». Ils sont mieux éduqués. Si ce n'est pas le corps physique, c'est le milieu, donc c'est l'éducation. C'est évident. Prenez n'importe quelle substance chimique, matérielle, absorbez-la et vous allez voir une différence au niveau de votre psychologie, de votre logistique, de votre mental. L'enfant Teflon a un cerveau tellement plus rapide que l'humain conventionnel, il y a certaines possibilités. Au lieu de prendre 20 000 neurones pour en arriver à créer une image électromagnétique qui va être pour lui une solution ou une réponse ou une vision, eh bien, le cerveau va être capable de recréer la même image avec peut-être 10 000 neurones, 5 000 neurones, ça sauve du temps. Plus un axone est myélinisé, plus la dépolarisation est rapide. Autre facteur possible. Il y a des gaines de myéline plus consistantes, moins de nœuds de Ranvier, ce qui accélère la dépolarisation, donnant au cerveau de l'enfant une capacité accrue de logifération et de perception. Les cellules gliales ont une importance majeure, mais la médecine ne sait à peu près pas à quoi ça sert. Et quand je commence à en parler, ben c'est pas long que faudrait que je... J'aille trop loin. Trop de temps à perdre, trop d'énergie, ça me plaît pas. Chose qu'on peut savoir. L'enfant Teflon est paramétré par 4 facteurs. Sa phase d'identification psychologique que l'enfant normal fait à l'adolescence biologique, lui, il la fait entre 3 et 6 ans. Avez-vous des preuves scientifiques? La guenille est mouillée. J'ai pas de preuves scientifiques. Et quand je vois un jeune qui est un adolescent déguisé, pas besoin de preuves scientifiques. Moi, je préfère travailler avec lui. Il a un développement extrêmement précoce. Cérébralement, il devance bien du monde, même des adultes. Assez que plusieurs parents ont l'impression que c'est un adulte déguisé. Quelle que soit l'explication que j'amène, qu'on la prenne ou non, ces enfants-là existent, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus. Le facteur de décrochage scolaire, j'ai toujours dit qu'un enfant intelligent ne peut pas aimer aller à l'école. Ça décroche au secondaire. J'ai fait longtemps que j'ai annoncé, je l'ai même écrit, ça va décrocher à l'élémentaire. Et de plus en plus, décroche en première année. De plus en plus, il y en a. Ils ne veulent plus y retourner à l'école. C'est encore un peu trop faible, on le tape dedans. On a toujours deux possibilités dans l'évolution scientifique. Il y a Albert Einstein qui dit que la lumière courbe au voisinage des masses. Il y a des gens qui disent, quelle preuve avez-vous? Puis lui, il dit, dans 2 ans, faites ceci, vous aurez la preuve. Ce n'est pas tous les humains qui ont besoin d'affirmations scientifiques. Je ne blâme pas ceux qui en recherchent. Ceux qui en recherchent, certains le font uniquement pour dénigrer, d'autres le font uniquement pour comprendre. Quand on le fait pour comprendre, normalement, on peut discuter. Quand on le fait pour dénigrer, ça revient toujours sur une chose, et je l'ai expérimenté. Il y a certains chercheurs avec qui j'ai pu travailler. Il y en a qui sont physiciens, qui travaillent pour les Forces armées canadiennes. Il y en a d'autres qui sont dans des universités. Et on dialogue. Eh bien, la majorité, lorsque j'arrive suffisamment à leur expliquer, vont s'arrêter sur « Oui, mais là, c'est des mots que vous avez inventés. » Si le vocabulaire est trop pauvre, il faut bien qu'on invente des mots. Hein? La médecine a inventé plein de mots. La chimie a inventé plein de mots. Il faut que j'attende qui quoi. Ou bien on arrive encore une fois, vous n'avez pas de diplôme en astrophysique. Vous n'avez pas de diplôme en... Non. Je n'ai pas de temps à perdre. La question qui suivait, celle-là. Serait-il pensable de croire que vous inclurez une bibliographie dans vos prochaines parutions? Et c'est le problème. J'ai pensé mettre en référence à d'autres livres que j'ai écrits. Mais je me suis dit, pour moi, c'est pas ce qu'ils veulent. Regardez une chose. Quand j'ai quand même lu plusieurs livres, je me suis même déjà ouvert une librairie parce que les livres étaient trop chers à acheter. Et c'est sérieux. Quand je lis des livres, je lis des livres. Et je ne sais à peu près jamais qui les a écrits, les livres. Ça n'a jamais été important pour moi. La personne, elle a ramassé des choses, elle les a transmises, c'est pour qu'on s'en serve. Et je m'en sers. Et j'ai toujours dit avec, n'importe qui cite ce que je dis ou ce que j'écris, s'il le comprend, c'est à lui. Oh, il serait totalement stupide de le citer. Et une personne peut dire « Oui, mais j'aimerais pouvoir relire les mêmes choses que vous pour comprendre. » Ah, très brillant. Mais hélas, je n'ai rien. Je pourrais peut-être citer certains livres que j'ai lus, mais je ne sais pas si c'est ce qui va amener la pensée. L'enfant Teflon, il est facile à décoder, à concevoir. Premièrement, j'en suis un. Je travaille avec un paquet d'enfants Teflon et de l'évidence... Ce n'est pas bibliographisable. Je n'ai donc pas de biographie, je n'ai rien à suggérer. Non, un jour, peut-être, que mes livres seront dans des biographies. Autant on est justifié de se poser la question « Qu'est-ce qu'on fait après que les extraterrestres nous ont ramassés? » Aussi, je me demande, qu'est-ce qu'on fait quand on est chevalier et où ça mène? Exact. C'est la première chose qu'un humain doit se poser comme question. Avant de faire quoi que ce soit, à quoi ça sert? L'évolution d'un être humain est proportionnelle à la capacité qu'il a de supporter son ignorance. Plus l'être humain avance, plus l'être humain souffre de ne pas connaître, et plus précisément de ne pas savoir. Le savoir étant instantané, ne découlant pas de l'expérience, l'être humain en souffre. Jusqu'à un point où, dans la conscience de la majorité des êtres qui se développent, les enfants Teflon font partie de ces êtres qui s'ouvrent à une nouvelle conscience, sans les mots, ils conscientisent l'absurdité de notre monde. Lorsque l'ignorance, lorsque l'absurdité, lorsque les solutions ne sont pas trouvables, l'humain ne sait plus où donner de la tête, et lorsque l'humain n'est pas bâti comme la majorité des humains, il se suicide facilement. Ne vit à rien, vivons pas, c'est simple. Il a raison. La problématique, c'est que la génétique doit être préservée. L'être humain doit conserver son corps en vie. Être chevalier, ça sert à quoi? Absolument à rien. Vivre, ça sert à quoi? À rien non plus. Penser, à rien. Surtout qu'on ne pense pas, on est manipulé par notre pensée. Quelle que soit la question qu'une personne peut se poser dans n'importe quel domaine, à quoi ça sert? À rien. Lorsque je fais certaines conférences plutôt spéciales, on va plus loin. Tant que l'ego pose des questions, même plus loin rendu à un certain niveau, ça mène toujours au même point focal. À quoi ça sert? La seule chose qu'un humain peut concevoir comme étant lucidement acceptable, c'est que présentement, l'humain est alcoolique. J'ai déjà expliqué. Présentement, l'humain n'est pas bâti pour comprendre. Ça ne sert à rien de vouloir s'orgueilliser. L'humain n'est pas bâti. L'humain ne peut connaître sa vie qu'en fonction du passé, qu'en fonction de son expérience, qu'en fonction de sa mémoire. Étant donné que l'être humain ne fait référence qu'à la mémoire, nécessairement, tout ce qui n'est pas inclus dans la mémoire ne peut être conçu par lui et ne peut être compris par lui. Il devra non plus être que cartésien, non plus qu'être intuitif, surtout pas émotif-intuitif. Il devra allier les deux. Pas d'émotion, de l'intuition, parce que l'intuition va lui permettre d'avancer au-delà de la mémoire. Et par la suite, il pourra se servir d'un facteur cartésien pour rendre plus logique ce que l'intuition lui aura amené. Ça ne sert à rien. Tout. La seule chose que ça peut possiblement amener, c'est que si l'humain fonctionne vers ce qui est écologique, économique en énergie, logique, ce que l'humain conçoit comme étant intelligent, et l'intelligence n'est jamais assujettie à l'émotivité, elle ne dépend pas de votre goût, de ce que vous aimez, ou de ce qui nourrit en plaisir votre ego, l'humain a énormément de chances de comprendre. Un jour, à quoi ça sert? J'en ai déjà parlé, on peut en reparler encore. Moi, avec tout ce que je sais, ce que je comprends, si je ne me tire pas une balle dans la tête, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant. Pas émotivement. Il y a une logistique. Et il y a surtout un empêchement, mourir de leur venir. Finalement, autant continuer, un jour on saura. Qu'est-ce qu'on va savoir? Aucune importance. On n'a pas le choix, de toute façon. Désintoxiquez-vous de la mémoire. Plus l'être humain s'est désintoxiqué de la tradition, plus les sociétés belles sont nées. On a abandonné le culte des ancêtres, on a abandonné les vieilles lois des vieux dieux, on a abandonné les vieux concepts qui disaient que la terre était plate, celui qui disait qu'elle était ronde, on le tuait. On a abandonné du passé. Et plus l'être humain se désintoxique du passé, même si ce passé, c'est le passé de vos vies, de votre mémoire actuelle ou de l'instruction que vous avez eue, se désintoxiquer. Quand j'étudiais en psychologie infantile dans les écoles traditionnelles et que je travaillais à Sainte-Justine en même temps, j'ai vu immédiatement que ce qu'on apprenait de l'enfant était un enfant qui aujourd'hui devait avoir 50 ans. On me parlait des enfants d'il y avait 40 ans. Et on me disait qu'un enfant était bâti comme ceci, comme cela, comme cela. J'étais allergique à la tradition. J'étais allergique. Je préférais m'en tenir à moi. Pas parce que j'étais le seul qui avait raison, mais parce que pour moi, j'étais le seul qui avait raison. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, pour lui, est le seul qui a raison, bien souvent, on peut parler. On ne sait pas avoir raison l'un l'autre, on a des yeux différents. Mais, est-ce que tu as du résultat? Oui, impeccable. Puis je n'ai rien à foutre du reste. Tu n'as pas de résultat, il faudra changer des choses. Se désintoxiquer de la tradition, se désintoxiquer de la mémoire, c'est ce qui va permettre à l'humain de savoir. Savoir quelque chose que tous nos ancêtres n'ont jamais su. Nos ancêtres se sont toujours fiés à la tradition et leur corps physique ne permettait pas l'élaboration d'une conscience comme nous l'avons aujourd'hui. Ce n'est pas le summum, c'est mauditement mieux que dans le passé. Désintoxiquez-vous. Pourquoi et dans quel but les Templiers ont caché le trésor ici? Pour la simple raison qu'à l'époque, partout, c'est en Europe qu'on le recherchait. Les Templiers avaient déjà eu des contacts avec certains Vikings, ils avaient eu des contacts avec certains voyageurs qui avaient déjà traversé par le nord l'océan Atlantique, et ils tenaient à premièrement absolument ce qu'on ne découvre pas. Et deuxièmement, déjà à l'époque, on parlait d'une terre promise, le Québec, le K-E-B-E-K, qui fait partie de l'ésotérisme européen, qui est le bouclier canadien. Et c'était là-dessus que les Templiers devaient revenir plus tard chercher le trésor. Qui seront les prochains à découvrir le trésor des Templiers? Qu'en feront-ils? Chose certaine, ce qu'ils vont en faire sera intelligent. Qui sait, on s'en fout. Quel sera le but ultime de l'ordre à venir? Donner une raison d'être. La chevalerie planétaire sera l'un des derniers bastions de l'illusion planétaire. Ce sera la raison ultime que la majorité des égaux en phase de conscientisation et d'animotivisation auront besoin pour supporter les conditions de vie actuelles au travers leur conscience qui de plus en plus va décoder le mensonge, l'illusion, l'absurdité, l'imbécilité. Ce sera un leitmotiv, une raison d'être qui mènera souvent la majorité des humains vers une absolue liberté en face des concepts. C'est une dernière béquille qui sera essentielle à la majorité des individus et qui servira autant l'intelligence que l'ego donc qui permettra efficacement de changer certaines formes de divisions sociales historiquement ancrées dans la conscience des humains. C'est un concept. Comme les chevaliers de Colomb sont un concept. Comme la chrétienté est un concept. Comme les religions et comme les nations. Mais ça permet à un humain d'avoir une raison de vivre. Les guerres sont l'une des grandes raisons de vivre. Survivre et toucher la paix. Quand on est en paix, les suicides augmentent, le taux de drogue augmente, les boissons augmentent, les distractions augmentent. L'humain ne sait plus quoi faire de sa paix. Il manque de raisons intelligentes de vivre. La chevalerie est l'une des dernières illusions qui permettra à la majorité des humains en fièvre de « à quoi ça sert » de vivre, de s'associer et d'en finir. Suis-je aristocrate ou chevalier? Mais on s'en fout, on ne se pose pas la question. Quand on est aristocrate, on est aristocrate. Quand on est chevalier, on est chevalier. Ça n'a pas d'importance. Le principe amour-lumière du supramental est indissociable. L'un ne peut être sans l'autre. C'est l'équilibre. Il n'y a pas de noir sans blanc, chaud sans froid, etc. Donc, le corps et l'esprit. Non. Ça, c'est de la tradition. Le principe amour-lumière est indissociable, totalement dissocié. L'amour est une vision de l'intelligence, ou de l'énergie plutôt. Lorsque nous recevons du chocolat dans la bouche et que nous avons faim, ça nous nourrit. Lorsque nous sommes obèses et que nous n'en avons plus besoin, que nous sommes gavés et qu'on continue à nous en donner, c'est débile. C'est un point de vue d'une même chose. Les points de vue sont changeants, dépendant de la conscience d'un être humain. Mais totalement dissociable par le point de vue. Lorsque c'est fusionné, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'intelligence. Maintenant, autre chose, l'équilibre. L'équilibre est une farce. L'équilibre est exclusivement créationnel, c'est la paix. Lorsque des conflits majeurs deviennent en équilibre, c'est l'harmonie. S'il y a autant de tués qu'il y a de naissances, c'est le bonheur. Comme l'équilibre naturel. Autant de loups que de chevreuils, puis ça s'en va. Plus de chevreuils, plus de loups, moins de chevreuils, moins de loups, crève de faim, plus de chevreuils, moins de loups, etc. C'est l'équilibre, de l'harmonie. Mais cela fait partie de la vision dualitaire de l'humain. Le noir, le blanc. C'est quoi le noir, le blanc? Parce que le noir est l'absence de lumière. C'est parce que le noir fait peur à l'homme. Mais il y a de la lumière dans le noir. Il y a des rayons X, il y a des rayons gamma, il y a de la lumière. Parce que nos yeux ne l'aperçoivent pas, cette lumière. On parle de polarité, de dualité, équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre entre le noir et la lumière? Ben, si je mets de la lumière et de noir, hein, et si j'ôte la lumière du noir, l'équilibre est où? Il n'y en a pas. Pourquoi y a-t-il de l'obscurité dans l'univers? Parce qu'il n'y a pas de corps pour réfléchir à la lumière. Mais c'est bourré de lumière. Elle est mal réfléchie. C'est une vision de l'humain. Une vision très polarisée qui engendre l'idée du mal, l'idée du bien, l'idée de ceci, l'idée de cela. Tout ce qu'un humain peut dire est essentiellement véridique. Pour le comprendre, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aborder son point de vue. Mais si on veut conserver le nôtre pour voir le sien, on ne peut pas comprendre. Si on chemine dans le sien, on va comprendre. Moi, si je rentre dans le point de vue d'un télévangéliste, je serai télévangéliste et je pourrai expliquer pourquoi. Si je rentre dans le point de vue d'un musulman, je serai musulman et je pourrai expliquer pourquoi. Quand l'humain a la capacité de rentrer dans plusieurs points de vue, alors là, il commence à comprendre l'humain. Il fait des assujettis progressivement des traditions. Il ne peut plus croire son point de vue. Tout ce que je dis, moi, je m'en fous. Moi-même, mon point de vue n'est pas le point de vue, c'est un bon point de vue. Comment se débarrasser d'une culpabilité imprégnée chez soi pendant 16 ans par une autre personne? Lorsque je suis avec cette personne, je me sens coupable, c'est automatique, c'est comme un réflexe. Je ne veux plus me sentir coupable car je n'ai vraiment pas de raison intelligente de me sentir ainsi. Quoi faire lorsqu'on a essayé les explications, que l'on s'est mis en colère pendant perdant inutilement toute son énergie, lorsqu'on s'est enfermé dans une chambre pour changer, lorsqu'on est sorti de la maison pour changer d'air, considéré comme mort, etc. Lorsqu'on est en processus de divorce, est-ce que l'on constate que lorsqu'on a des raisons intelligentes de faire quelque chose, on ne peut se permettre d'être imparfait, pourvu que l'on a rencontré ses objectifs qui pour soi sont intelligents. Lorsqu'on s'est autorisé à être pour soi et non plus en fonction du dire et du comportement des autres, ne reste-t-il que la patience pour se départir à jamais de cette imprégnation destructrice? Non, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire exactement ce qui vous rend coupable. Il vous reste à faire ça. Vous allez subir encore un peu de fièvre, mais vous êtes coupable de boire de l'eau, buvez de l'eau. L'ajusteur de pensée, peut-on aider son ajusteur de pensée à jouer son rôle? Et quel est son rôle? Bon, là, il faudrait plusieurs choses. Aider son ajusteur de pensée, non. La seule chose qu'on peut faire pour l'aider, c'est de parler. Pour apprendre à parler, il faut commencer par être capable de s'autoriser à dire n'importe quoi. Vider l'eau froide avant que l'eau chaude arrive. C'est la seule façon qu'un ajusteur de pensée puisse vous ajuster, parce que la pensée s'ajuste par la parole. Parole fausse, pensée fausse. Ajustement de la pensée, parler. Et à un moment donné, votre parole sera de plus en plus raffinée. Quel est son rôle? On peut se référer à différentes conférences que j'ai faites qui sont sur cassette, sur l'ajusteur de pensée. Si on ne veut pas écouter les cassettes, à un moment donné, peut-être qu'on refera une conférence. Sinon, dans le séminaire que je donne, on en parle suffisamment. Mais les cassettes, c'est déjà très bon. C'est l'ajusteur de pensée, toujours la même chose. Alors, encore une fois, nous parler de l'ajusteur de pensée, il y a des conférences que j'ai faites déjà là-dessus. Ce serait très long. Doit-on te croire? Oui. Vous pouvez me croire. Si vous voulez, tant qu'à être pris à croire quelque chose, vous pouvez me croire aussi, ça ne vous en avancera pas à grand-chose. De l'information, c'est de l'information. L'homme doit devenir son seul maître. De l'information, ce sont des concepts. Des concepts, c'est comme des théories, c'est la même chose. Un concept, ça nous permet de supporter de l'énergie sous une forme particulière pendant un laps de temps. Et à un moment donné, quand c'est le temps de la digérer, on la digère. Me croire, mais non. Qu'est-ce que ce phénomène? Ça fait deux fois que j'entends des bruits à la sortie du sommeil. La première fois, c'était le bruit d'une fenêtre qui basculait. La deuxième fois, c'était comme le bruit de livres qui tombaient. À ce moment, j'ouvre les yeux, je n'éprouve aucune peur, mais, chose bizarre, tout est à sa place dans la chambre. Je ne suis pas en état de rêve, car à ce moment-là, je ne vois rien, je ne suis pas non plus en mouvement. Je suis en transition, les yeux fermés. S'il y a... C'est que l'humain complique les choses. Il y a eu une transition là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humain complique les choses. Imaginez que vous voyez quelque chose avec vos yeux, puis à un moment donné, vous êtes couché, vous dormez, et subitement, vous voyez dans votre tête. Hey, là! Mais c'est parce qu'on peut aussi imaginer des sons. On peut entendre. Comme on peut sentir. Simple. Si les objets tombent, ben les objets sont tombés, vous les avez entendus. Qu'est-ce qui a causé ça? Peut-être vous portez les kinésies, c'est peut-être le vent, c'est peut-être une force occulte. Mais vous connaissez toutes les réponses. L'humain veut se faire confirmer. Je ne passerai pas ma vie à confirmer ce que vous savez déjà. Amener des choses neuves, c'est intéressant. Passez son temps à confirmer, à confirmer, à confirmer. Avec toute l'information que vous avez, vous êtes capable de vous confirmer un peu. Oui, mais d'un coup, je me dis que c'est ça, puis c'était pas ça. Ça change quoi? Tout le temps qu'on pensait que la Terre était plate, on pensait que la Terre était plate, ça ne nous a pas empêché de nous promener dessus, d'aller aux quatre coins du monde. Puis qu'à un moment donné, il fallait qu'elle devienne ronde. Elle est devenue ronde, la Terre. Puis maintenant, elle n'est pas tout à fait ronde. Mais on s'en fout. Puis tant que c'était important que le Soleil se retourne autour de la planète, c'était correct. C'était mieux que de se dire, c'est un feu qui va nous brûler. Bon, mais non, c'est un Soleil qui nous éclaire, ça tourne autour de nous autres. La journée qu'on commence à tourner autour, on commence à tourner autour. Puis progressivement, on a découvert qu'il y avait une galaxie. Puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres galaxies. Ça, c'est depuis 1900. que vrai. C'est parfait, parfait. Sauf que vous voulez absolument avoir la certitude que ce que vous pensez, c'est vrai. Vous me posez la question, que si je vous réponds, c'est aussi faux que ce que vous pourriez vous répondre. Vrai ou faux, est-ce utile? Et surtout, est-ce utilisable? Oui? Alors, utilisez. Pour le reste, on s'en balance. C'est de l'énergie qui permet de solidifier votre conscience, qui permet de structurer une perception. Oui, mais si je me suis fait désaccroire, le temps que tu t'es fait désaccroire, ça t'a solidifié, ça t'a permis d'avancer jusqu'au jour où tu t'es rendu compte que c'était pas ça. Voilà. Au lieu de rester en arrière, tu as fait un pont. Mais rendu de l'autre côté, tu continues. C'est pas de savoir si on a raison ou si on a tort. C'est d'être capable d'amener des choses, de parler, d'amener de l'énergie. Cette énergie-là, elle nous structure. Puis après, on s'en fout après. Est-ce utilisable ce que vous amenez? C'est utilisable, utilisez-le. Quand j'ai commencé à faire des conférences, je me suis dit que ce serait utilisable. J'ai utilisé. Les livres sur l'enfant Teflon, c'est mauditement utilisable au niveau social. Est-ce que dans 2 ans, on va tout refaire ce que j'ai écrit? Ben, refaisons. Progressons, par exemple. Le reste, je m'en fous. Mais c'est utilisable. Utilisons le don. Toi ainsi que les gens avec qui tu travailles, êtes-vous le prémisse de la prochaine ordre ou est-ce que ce sera relégué à un autre groupe, à d'autres groupes? Je m'en fous, totalement, je m'en fous. On n'y pense pas, je m'en fous. S'il y a un ordre qui apparaît, ben on va aller cogner voir si ça a de l'allure. Si ça a de l'allure, il n'y a pas de problème, on va être dedans. C'est intelligent, je ne sais pas pourquoi non. S'il n'y en a pas, ben qui se crée, moi je trouve paresseux, j'en créerai pas un. Si ça se crée tout seul, ben, on va être dedans. Quel est ou quel sera le 6e ordre de chevalerie? Si elle n'existe pas, quand existera-t-elle et quelle ampleur aura-t-elle? À chaque fois que l'être humain vit une forme de fin du monde, c'est-à-dire lorsque tout un concept de ce qu'il a du monde doit être anéanti dans sa conscience, les archétypes, lorsqu'ils doivent être néotypés, il y a ce genre d'étape. Je parle de chevalerie, je parle aussi de 6e race. C'est une race neuronique, c'est pas une race cutanée. Alors elle s'en vient. Quelle ampleur elle aura? C'est une ampleur planétaire. Comme d'ailleurs la majorité des ordres de chevalerie. On parle d'ampleur planétaire en fonction de la conscience de la race qui domine. Alors, au niveau de la race blanche, lorsque les Templiers existaient, ça l'a manipulé, ça l'a coloré, la majorité de ce qui existait à l'époque. L'Angleterre, la même chose. Un jour, ça a été le Portugal, c'était l'Espagne, c'était la Chine, la Mongolie, le Japon. Tous les peuples ont ce genre de surenchère de chevalerie qui ont tous la même connotation, donc on peut parler de chevalerie planétaire à l'époque, avec des scissions à l'interne. La prochaine, il n'y aura pas de scissions à l'interne, du moins, ce serait préférable. Dans l'intelligence de la chevalerie, il n'y en aura pas, mais tous les individus qui se disent d'obédience de tel ou tel ordre, mais qui sont mieux que d'autres, donc ça crée des scissions, mais ce ne sont pas des vraies scissions au niveau de la chevalerie. L'ampleur sera planétaire. Est-ce qu'elle existe? Elle existe, comme on l'expliquait tout à l'heure, au niveau de la pensée humaine. Elle n'est pas encore matérialisée. Comme le Québec. Est-ce que le Québec se séparera? Peut-être Bourassa qui va séparer le Québec. Surprise. Pour que la chevalerie planétaire se réalise, est-ce qu'il faut faire abstraction de notre vécu? Qui inclut nos principes, notre éducation, etc. On doit faire abstraction de son vécu, de ses principes, de son éducation et même d'etc. Mais on ne doit jamais faire abstraction de son intelligence. Et qu'est-ce que c'est? C'est que l'humain, c'est toujours « oui, mais je ne sais pas si je fais bien ou si je fais mal ». Vous ne savez pas en fonction d'une autorité extérieure à vous. Une personne va à une conférence de n'importe qui et il apprend que si quelqu'un est en train de se noyer, ben c'est son karma, mais tout en pas. Exemple. Il se ramène sur le bord d'une piscine publique, puis là, il y a un enfant de 4 ans qui est dans la piscine en train de se noyer. Mais si je le sauve, est-ce que je le nuis? Son karma. Si je l'aide, si je le sauve pas, ben là, je sais pas quoi faire. Là, vous avez besoin d'un conférencier qui passe par là pour vous confirmer ce que vous devez faire. Faites donc abstraction de tout, là, c'est le temps. Vous, est-ce que vous le sauvez ou pas? C'est la question à se poser. Oui, mais tout d'un coup que faites abstraction. Qui peut honnêtement vous en vouloir d'avoir fait ce que vous pensiez juste de faire? Les dieux, crachez-leur au visage. Les conférenciers, faites d'autres choses dessus. Pas les intervieweurs, les conférenciers. Si vous le sauvez, vous le sauverez. Si vous ne le sauvez pas, vous ne le sauverez pas. Moi, ma vie est extrêmement facile. Instantanée. Alors, j'arrive, je fais tout. Faire abstraction, oui, de tout. De votre conscience, non. De votre intelligence, non. Le reste, qu'est-ce que c'est le reste? Sinon des barrières. C'est de l'information qui doit être considérée comme étant de l'énergie. Ça vous grandit. Mais on ne doit pas s'en servir pour se limiter. Si je veux absolument que la pomme soit pommée dans mon bras, mémoire, tradition, non, je mange la pomme de l'énergie. Je la digère, j'en fais des cellules. Ça n'a plus rien à voir. Exact. Plus utile. Les extraterrestres vont-ils se mêler dans le nouvel ordre? Oh, ça se mêle de n'importe quoi, les extraterrestres. Ça se mêle de tout. Ça se mêle aussi dans le nouvel ordre. Comment allons-nous reconnaître qu'une chevalerie planétaire existe? Mais on s'en fout, on s'en balance. Je vais reconnaître. Savoir quel genre d'emblème il va avoir, savoir si on frappe à le pas. Parce qu'il va avoir un emblème? Oui. Oui, parce que c'est une illusion. Donc, ça doit réunir des égrégores humains. Ça doit réunir des formes dans l'ego de l'homme pour que l'homme se sente en vibration avec. Il y aura une emblème. Mais comment allons-nous reconnaître qu'une chevalerie planétaire existe? Est-ce que l'emblème sera ésotérique? Ça me tente pas d'en parler. L'emblème va-t-il être ésotérique ou pas? Tout est ésotérique. Tout cache quelque chose à l'intérieur. Ésotérique qui provient de l'intérieur. Mais l'emblème sera aussi exotérique. Est-ce qu'il sera occulte? Non. Est-ce qu'il sera caché des masses? Non. Il ne sera pas occulte. Ou occulté. Il sera ésotérique, exotérique. Puis, comment reconnaître? C'est comme comment reconnaître les bons extraterrestres, les mauvais. Embarquez, allez voir. Nomme les arts martiaux qui sont le plus en affinité avec l'énergie supramentale. L'art d'EM, évidemment. L'entraînement de l'intelligence en mouvement, EIM, l'art d'EM. Tous les arts martiaux sont en affinité avec l'intelligence supramentale. Tout dépend surtout du pratiquant et en deuxième de celui qui forme. Un art martial doit amener l'individu à se battre contre son pire ennemi, son ego. Jamais contre l'autre. La majorité des humains qui pratiquent des arts de combat n'ont rien compris et ne sont peut-être pas bâtis pour comprendre. Ils se battent aujourd'hui pour des trophées, des médailles, l'applaudissement d'une foule, des honneurs. Comme on le faisait avant aussi, on se battait pour le chiffon d'une dame, pour les honneurs, l'applaudissement des foules. Quand il n'y a plus eu assez de guerre, il y avait des joutes. Aujourd'hui, on fait des combats et des tournois. Quand le karaté n'est plus assez connu du public, ou le public ne bave plus suffisamment dessus, s'écrète plus suffisamment sur le karaté, on en fait du kickboxing. On essaie d'aller chercher la boxe qui fait sécréter en masse les foules, et on le mélange. Donner un coup de poing, c'est extrêmement niaiseux. N'importe quel cave sur la planète Terre peut donner un coup de poing. Un coup de poing qui va planter, disons, Mohamed Ali, c'est pas n'importe quel cave, c'est vrai. Faut être bien cave. pour le Seigneur. Non! Donnez-moi le corps de celui qui le bat. Je vais le battre. Prendre un corps physique et parvenir à le transformer jusqu'à temps que le mental le contrôle bien, n'importe quel corps physique est adéquat pour ça. C'est ça un art de combat. Je ne parle pas de ce qui, de ce que les Chinois en faisaient, je parle surtout de ce que les Shaolins en ont fait, ou de ce que Jigoro Kano a voulu en faire. Tous les arts martiaux. Mais si on veut prendre un art martial qui, si on n'est pas trop mental, a plus de tendance à nous amener vers l'évolution que vers les stupidités de tournoi, on prend l'aïkido. Il n'y a pas de combat en aïkido. C'est dur de se battre. Le judo. Le karaté. Tu es trop vite puissant. Tu atteins trop vite des résultats. On t'a pas le temps de t'assagir avant de devenir un débile. La dernière fois que j'étais au Jeu du Québec, j'avais 13 ans. J'étais judoka, j'allais là pour une finale. Il y avait aussi des compétitions de karaté. En judo, que tu perdes ou que tu gagnes, les gens serraient la main, les entraîneurs, tout ensemble, ça allait boire ensemble, c'était des vrais adultes à l'époque. C'était correct. En karaté, quand un jeune perdait le combat, ben l'entraîneur, il donnait des bêtises, il criait après, les parents, ça y allait, sur le terrain de combat, c'était « Ah ouais, ah ouais! » Puis ça criait. Moi, quand j'arbitrais le judo, j'ai déjà même arrêté une compétition de judo pour faire sortir un père. J'ai dit « Si tu vas avoir du sang, va dehors, puis va écœurer d'autres mondes. » Il voulait qu'il y ait du sang sur le tapis, il voulait que son jeune... Et depuis cette année-là, au Jeu du Québec, il n'y a plus de karaté. Aux Olympiques, il y a du judo, pas de karaté. Karaté, c'est intéressant, très intéressant. Tu arrives à du résultat vite, c'est du pouvoir. Si vous voulez vous perdre, bien souvent on fait ce genre d'art de combat. Au niveau d'une éducation convenable, un jeune devrait commencer à s'inscrire à des cours de judo, 6-7-8 ans. Il a besoin de se défouler, il a besoin d'un combat réel, non pas un combat de frustration comme on retrouve en karaté. T'as pas le droit de toucher. En judo, s'il va à plein. Par la suite, il devrait faire de l'aïkido parce qu'il va apprendre à raffiner son contrôle à distance, mais encore des contacts. Par la suite, peut-être le karaté. Il n'a plus besoin de gagner. Il est sage. Il va apprendre de nouvelles positions d'équilibre, de nouvelles façons d'amener de l'énergie. Par la suite, peut-être le tir à l'arc ou le bâton. Ça veut dire contrôler un peu plus loin, le tir à l'arc, c'est intéressant, parce que là, tu dois contrôler à distance. Et peut-être, vers la fin, si ça lui ça l'intéresserait, ce serait le kendo. Tantôt, tu disais que tu n'avais rien à voir avec le début de la nouvelle chevalerie planétaire, mais dans les séminaristes, il y a un groupe qu'on appelle les chefs. La préparation des chefs actuellement, c'est pour dans l'axe de la chevalerie planétaire. Non. Non et oui. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Étant donné qu'à un moment donné, les êtres humains qui évoluaient se posaient la question. C'est beau de faire des conférences, c'est beau d'apprendre quelque chose, mais est-ce que ça pourrait être plus pratique? Alors, c'est facile de technicaliser des choses, ça améliore les corps physiques, donc nécessairement ça améliore différentes choses. Tu peux anégoïser. Est-ce que c'est possible d'arriver à rentabiliser l'affaire, à faire des entreprises? Est-ce que ça peut servir dans le travail? Est-ce que ça peut servir dans sa vie? Et lentement, bien, les individus poussant par en arrière, et bien, on finit par instaurer une structure qui est le programme Maître Contrôleur, et qui débouche sur des PMC+, et qui lentement peut déboucher aussi sur un groupement, justement, un groupement des chefs. Les chefs, simplement parce qu'un jour, ils devaient donner... former des gens, donc ils étaient des chefs de groupe, ça s'appelle le groupe des chefs, et qui présentement font un entraînement qui ressemble à un entraînement paramilitaire, très ésotérique, très aristocratique, très occulte, très bizarre, qui sert simplement ces individus-là présentement. Certains ont le goût d'aller dans l'Himalaya au Tibet, d'autres veulent aller en Australie, d'autres veulent aller au Nord. Ben, ils ont l'équipement, la condition physique, l'apprentissage pour. Ils ont aussi une puissance psychologique et une puissance mentale et supramentale adéquatement établie. D'autres veulent simplement se lancer en affaires pour... Ben, tout est correct. Ça se fait. Ça germe lentement. Est-ce que c'est une chevalerie? Bon, on s'en fout. C'est évident qu'au niveau de l'unité, si quelqu'un se perd en forêt, on peut le trouver. S'il se passerait plusieurs choses, c'est un groupe d'intervention qui commence à être extrêmement intéressant. D'ailleurs, à un moment donné, ça nous tentait, et peut-être ça va se faire, de former des structures en place, parce que quand il y a des enfants ou des personnes qui se perdent en forêt, ils ne retrouvent quasiment jamais. Alors que c'est facile. Tu te places en forêt, tu regardes où tu es, tu prends un azimut, tu amènes ta gang, tu t'en vas direct dessus. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout, ils couvrent tout le territoire. Ils couvrent la carte au complet. Je soupçonne que le gouvernement se sert de ces recherches pour ratifier leur carte. Alors, je rappelle au séminariste de Daniel que le prochain PMC+ aura pour thème l'aristocratie planétaire, une puissance intérieure à contrôler. Ça tiendra la semaine prochaine, en fin de semaine, à l'auberge du Mont-Gabriel, dimanche, de 10h à 22h. Pour les séminaristes intéressés à y participer, ce serait préférable de s'inscrire au plus tard, jeudi après-midi. Vous pouvez contacter Michel ou le faire à la sortie. Bonne semaine, à la semaine. En attendant, c'est ça, on ne croit à rien, puis quand vous ne savez pas quoi faire, faites-le. Vous déciderez après.